15-24, activation orale, contraction avec A. Répondez selon l'exemple. Robert et Mireille vont se retrouver, ça c'est sûr et certain. Mais où est-ce qu'ils vont se retrouver? Eh bien, par exemple, vous entendez... 1. Je préfère la bibliothèque. Et vous dites? Ils vont se retrouver à la bibliothèque. 2. Moi, je préfère le Luxembourg. Bon, ils vont se retrouver au Luxembourg. 3. Non, je préfère le quartier latin. Ils vont se retrouver au quartier latin. 4. Ah, je préfère la Sorbonne. Ils vont se retrouver à la Sorbonne. 5. Je préfère le restaurant universitaire. Ils vont se retrouver au restaurant universitaire. 6. Non. Je préfère la maison de Mireille. Ils vont se retrouver à la maison de Mireille. 7. Ouf. Non, peut-être... Je préfère le cinéma. Ils vont se retrouver au cinéma. 8. Je préfère la terrasse d'un café. Ils vont se retrouver à la terrasse d'un café. 9. Ou alors, je préfère... Les États-Unis. Ils vont se retrouver aux États-Unis.